C'est la vie comme elle va. Le mercredi de 17h à 18h. Des histoires, des récits, des témoignages, de la poésie, du mystère, de l'émotion. La vie quoi, la vie comme elle va. Une émission pour ceux qui aiment lire, sortir, découvrir. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans La vie comme elle va. Aujourd'hui, une émission spéciale puisque nous accueillons une invitée. Mais avant de vous la présenter, je salue mes compères, mes complices. Eliane, toujours bonjour fidèle Eliane. Au poste. Bonjour à tous et à toutes et bonjour aux deux Jean-Pierre. Bonjour, bonjour l'invité. Bonjour tout le monde. Alors, l'invité, je suis sûre que vous brûlez de savoir qui elle est. Oui, elle oui. est blonde, elle est charmante, elle a un joli rire, mais surtout, surtout, elle sait lire. Elle sait lire, elle sait choisir des livres, elle sait conseiller des livres et elle travaille donc à l'excellente bibliothèque Les Jacobins. Bonjour Martine. Bonjour à tous. Bonjour. On est vraiment bonjour. Moi aussi, je suis ravie d'être là. On est très content de te retrouver parce que c'est vrai qu'il fut un temps où tu venais régulièrement. Oui, oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui, tu vas non seulement nous parler de la rentrée littéraire, de ta rentrée littéraire, mais aussi peut-être avant, nous parler de cette fameuse excellente bibliothèque de Fleury-les-Aubrais. Que l'on évoque souvent, mais on n'a jamais raconté vraiment ce que c'était que cette bibliothèque, ce qu'on pouvait y trouver, ce qu'elle avait de spécial. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Martine ? Eh bien, écoute, c'est un bel établissement, très clair. Il n'y a pas de cloison, en fait. Alors, il y a une section jeunesse, une section adulte, un forum au milieu consacré aux revues, aux documentaires. Il y a un espace public numérique pour les gens qui auraient envie d'accéder à Internet gratuitement, je précise. D'ailleurs, la bibliothèque est gratuite pour tous, fleurissois et non fleurissois. Donc, tout le monde peut en profiter. Tout le monde. On passe par là, on a envie de lire, on peut aller s'inscrire à la bibliothèque et prendre des livres. Absolument. Et en plus, on peut se garer assez facilement. Oui, il y a un grand parking. À préciser. On peut pas boire un petit coup en lisant un livre. Non. Pas encore. Mais je suis sûre qu'elles vont y penser, nos bibliothécaires. Alors, c'est vrai que la bibliothèque de Fleury-les-Aubrais, elle a une caractéristique que n'ont pas les autres bibliothèques, c'est que il y a un autre établissement dans lequel on trouve des choses bien particulières. Absolument. Il y a une autre bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque René-Guy Cadou. Et cette bibliothèque, qui est une annexe en fait, est une bibliothèque BDTech, c'est-à-dire un peu plus consacrée à la bande dessinée, adulte et jeunesse. On y trouve également des mangas, des comics, des documentaires sur la bande dessinée. Et il y a évidemment également aussi un espace jeunesse, un espace adulte, un espace revue. On va trouver évidemment des romans adultes, des romans jeunesse, des albums, des contes, tout un tas de choses. Et la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de bandes dessinées. Et plusieurs milliers, monsieur. Plusieurs milliers, oui, oui, tout dire. À fait. Oui, tout à fait. Et c'est assez unique, puisque quand elle a été créée, cette BDTech, c'était la troisième de France. Oui. Peut-être que maintenant, il y en a plus. Oui, je pense qu'il y en a d'autres. Oui. Mais notamment sur la métropole, c'est vraiment l'établissement de référence pour la BD. Voilà. Et tu évoquais tout à l'heure l'EPN, l'espace oui. public numérique. Oui. Beaucoup de postes mis à disposition, beaucoup d'ordi. Oui, absolument, une dizaine de postes en accès libre. Il suffit d'être inscrit à la bibliothèque, d'avoir rempli la charte Internet et vous pouvez accéder gratuitement à Internet. Alors, s'il y a un poste de disponible, vous pouvez vous installer. S'il n'y a pas de poste de disponible, vous prenez rendez-vous. Et il y a même des formations à Internet, des formations d'initiation à Internet pour adultes. Et il y a aussi des ateliers du numérique oui, régulièrement. Réguliers, tout à fait. Oui. Et ça, c'est aussi une marque de fabrique de la bibliothèque de Fleury-les-Aubrais. Et aussi, il y a des manifestations qui régulièrement sont organisées par la bibliothèque. Absolument. Il y a Imagilivre pour la section jeunesse. Il y a également un club de lecture adulte. Il y a une animation qui s'appelle La Parenthèse, qui est consacrée à des fonds spécifiques de la bibliothèque. Il y en a combien des fonds spécifiques ? Il y en a 4, mais il y en a bien, enfin 5. On est passé à 5 en fait. Et puis, tu peux nous dire lesquels ? Bien ça peut intéresser sûr. Nos auditeurs. Alors, on a le fonds emploi, formation. On a le fonds langue. On a le fonds cuisine, le fonds voyage, et maintenant un fonds jardinage bricolage. Alors, ce qui veut dire concrètement que si vous avez besoin d'un ouvrage pour savoir comment rédiger un CV, par exemple. Vous tout en plantant des petites graines. Que si vous cherchez des ouvrages en langue étrangère, alors on trouve quelle langue ? Il n'y a pas que les langues, anglais, allemand, espagnol. Hein. On va trouver du chinois, de l'arabe, du portugais. Du russe. De la langue des signes également. Et puis il y a tous les niveaux. Il y a les albums, il y a des documentaires, il y a des dictionnaires, il y a des livres bilingues et puis il y a des livres carrément dans la langue. Donc il y a un petit peu tous les niveaux, en fait. Et quand on veut préparer un voyage, oh là là, où va-t-on ? Alors là, vous avez des guides, et des guides vraiment, un rayonnage complet de guides récents, je précise, oui. Renouvelés, je précise, et vraiment, oui, maintenant, il y a énormément de guides, hein, évidemment, sur la France, l'étranger, les régions, enfin, il y a beaucoup de choix. Et c'est vrai que tous les fonds spécifiques marchent bien et les livres sont très empruntés. Oui. Alors, il reste donc les deux derniers, le fonds cuisine. Le fonds cuisine, bien sûr. Non, je n'ai pas encore parlé. Alors là, c'est pareil, gros succès du fonds cuisine. On peut trouver aussi bien des recettes très simples à réaliser que les recettes des grands chefs, que des pays spécifiques, que la France, que les régions, que comment cuisiner de manière économique, sans gluten. Enfin, vraiment, c'est très, très, très varié. Oui. Alors, quand est-ce que tu nous invites ? Quand vous voulez. Et alors, comme on fait de la cuisine avec des bons produits, il y a aussi donc le fonds jardinage et bricolage. Et c'est bricolage. Très pratique, oui, ça. Oui, jardinage et bricolage. Donc là, c'est pareil, un grand, grand choix d'ouvrages divers et variés pour tous les passionnés et tous les gens qui ont des jardins ou des balcons ou des fenêtres ou qui ont un intérêt pour cela, qui ont envie de rendre leur cour ou leur intérieur joli. Enfin, vraiment toutes sortes de livres, pas que les fleurs évidemment, les plantes, les légumes, enfin tout quoi. Tu évoquais tout à l'heure le club lecture. Donc, c'est un rassemblement de lecteurs. Voilà, alors en fait, tous les deux mois, le samedi matin, club de lecture qui rassemble des gens passionnés de lecture, qui ont envie de découvrir des auteurs, d'échanger autour des livres, de partager leur bonheur de lecture. Et voilà, on découvre comme ça des auteurs français, étrangers, on échange autour des livres et c'est tous les deux mois, voilà. Donc il y en a eu un samedi dernier et le prochain c'est le 7 décembre au matin de 10h à midi. Alors en décembre, il se passe quelque chose en général à la bibliothèque. Il y a déjà les ouvrages qu'on vend pour le Téléthon. en décembre. Et puis, il y a une grande, grande animation cette année autour des sapins de Noël. Et on invite les particuliers comme les groupes à réaliser le sapin de Noël. Et on aura une bibliothèque pleine de sapins de Noël différents, réalisés selon les imaginations de tous et avec des matériaux différents. Ce qu'on demande juste, c'est que ce soit pas inflammable, qu'il n'y ait pas de bougies, de guirlandes électriques, mais sinon, vous pouvez laisser parler votre imagination. Et a priori, là, ça y est, on a plein de sapins. En préparation, oui. Donc, si nos auditeurs veulent participer à cette exposition, tout à fait. Il suffit de s'inscrire, voilà. C'est ça ? Il faut s'inscrire, dire voilà, je suis telle personne ou j'appartiens à tel groupe et on va réaliser un sapin ce jour-là. Et alors, les plus beaux sapins seront récompensés par des places à la passerelle. Il y aura un jury et les plus beaux sapins seront récompensés. Voilà. Donc, ça promet une fin d'année brillante à la bibliothèque. Absolument. Ouais. Et à la rentrée, à la rentrée de janvier, il y aura encore d'autres événements qui sont attendus. Absolument. On va tout savoir en avant-première. Alors, le 11 janvier, c'est un samedi de 14h à 18h. On accueille des auteurs régionaux pour notre salon des auteurs régionaux qui a lieu tous les 2 ans. Et voilà, cette année, on accueille entre 20 et 25 auteurs. Et un auteur invité vedette ? Il y a un invité d'honneur, c'est Jean-Pierre Sueur, cette année, qui a accepté de venir à la bibliothèque. Oui, tout à fait. Pour son ouvrage sur... Oui, il a fait un livre quand même. Voilà. Oui, il en a même fait plusieurs. Sur Zola... Victor Hugo. Victor Hugo, pardon. Victor Hugo c'est au Sénat. C'est un autre barbu. J'adore tellement Zola, tu vois. Mais non, c'est Victor Hugo. Mais tu Hugo. Peux lui suggérer d'écrire sur Zola. Donc, c'est Victor Hugo au Sénat. Au Sénat, voilà. Bien, et allez, allons jusqu'au bout. Toujours l'année prochaine, il y aura donc Imagilive, tu en parlais tout à l'heure, et qui sera sur un thème, j'en ai des frissons. Sur la peur, sur la peur. Il va y avoir une exposition assez extraordinaire à vivre pour les petits comme pour les grands, avec une atmosphère particulière, etc. Et donc la bibliothèque participera comme l'année dernière à la nuit de la lecture. Absolument, oui. Qui sera le 18 janvier. C'est manifestation nationale. Voilà. Et comme c'est le premier jour de l'exposition, je crois que ce sera aussi sur le thème de la peur. Peur. Oui, donc vous voyez, si vous avez envie d'avoir peur, il suffit pas d'écouter les chroniques d'Eliane ou maintenant qu'il est intoxiqué de notre Jean-Pierre sur les polars. Il suffit d'aller à la bibliothèque, à l'excellente bibliothèque Les Jacobins. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Vous êtes qui ? Vous êtes né de la racaille. Vous anéantissez l'artiste, vous êtes soumis à des magouilles. Après la vie, je vous trouverai à la morgue, au cimetière des marques. Non déposé, vous n'avez plus de cœur ni de cerveau. Wow. Vous n'en pensez plus, vous souriez. Vos images sont galvaudées. Vous n'existez pas, vos regards sont tournés vers le bas, bien en bas de la grande échelle. Oui, mais je vais vous manger. La parole à la cannibale de l'émission, mais elle, elle ne mange, elle ne dévore que les livres et elle les aime. Oui. Bien bleu, bien sanglant. Oui, hein. Alors que la viande, j'aime pas trop quand c'est bleu, moi, oui. Personnellement. Oui, oui, non, mais je te comprends. Et donc, tu vas nous parler d'une bête au paradis. Oui, mais ça, c'est pas du tout un polar. Hein. Ah ben, de temps en mais temps, par contre, il faut c'est quand un même livre... respirer un peu. Ah, c'est plus horrible qu'un polar. C'est, je trouve que c'est, il y a quelque chose de puissant dedans. Oui. Et puis comme tu sens que ça peut être vrai, alors que le polar, tu, moi je m'en détache vite. Mm-hmm. C'est tellement exagéré souvent que bon, j'adore quand c'est gore, mais bon, ça me. Alors que là, c'est dur. Ah. C'est dur. Je vais vous lire tout de suite le début. Vous allez comprendre, ça vous met dans le bain tout de suite. Hein. De chaque côté de la route étroite qui serpente entre des champs d'un vert épais, un vert d'orage et d'herbe, les fleurs, énormes aux couleurs pâles, aux tiges vacillantes, des fleurs poussent en toute saison. Elles bordent ce ruban de goudron jusqu'au chemin où un pieu de bois surmonté d'un écriteau indique « Vous êtes arrivé au paradis ». En contrebas, le chemin troué de flaques brunes débouche sur une large cour, un rectangle de terre battu aux angles légèrement arrondis. Non, légèrement arrondi, mangé par livret. La grange est strictement tenue. Devant un tracteur, une petite voiture bleue sont rangées là et nettoyées régulièrement. De l'autre côté de la cour, les poules, les oies, un coq et trois canards entrent et sortent d'une cabane, d'un cabanon en longueur percée d'ouverture basse. Alors, on vous explique ce qu'est donc là. C'est une belle ferme, n'est-ce pas? Dans la fosse, si vaste pour un lieu qui n'accueille plus d'animaux, dans la fosse, Blanche se tient droite, malgré les 80 années qui alourdissent sa poitrine, balafrent son visage et transforment ses doigts en bâtons cassés. La fosse est vide, mais en son centre gît un bouquet de ses fleurs qui bordent le ruban du goudron menant au paradis. Certaines ont déjà fané, d'autres, comme Blanche, sont sur le point de perdre leur dernière couleur. C'est un petit bouquet de campagne dans un grand cercle terreux. Les épaules chargées d'un gilet rouge, d'un rouge plus vif que celui des feuilles mortes sous l'arbre à pendaison, elle bascule, s'agenouille devant ce petit bouquet qu'un enfant aurait pu composer pour sa première communion et en retire les tiges brunes qu'elle jette d'un geste étonnamment vif, presque violent. Puis elle sort de la poche de ce gilet rouge, d'un rouge plus vif que le sang du paradis, quelques fleurs encore jeunes sur lesquelles elle souffle très doucement avant de les déposer avec les autres. Elle se tient là, prostrée devant ce petit bouquet de campagne, si joli au milieu de cette fosse que sa grand-mère, Émilienne, a fait creuser pour ses cochons. C'était il y a longtemps. Elle se souvient de tout. Car si aucun animal n'habite plus cette arène de planches et de terre, une bête s'y recueille chaque matin. Blanche. Ça commence, voyez, la bête, c'est Blanche. Blanche, eh bien, c'est la petite fille d'Émilienne qui tenait cette ferme. Et avec son frère Gabriel, elles sont là quand ils sont jeunes. Leurs parents, Marianne, la fille d'Émilienne, et Étienne, qui était prof de maths, se sont tués en voiture. Blanche tenait de sa mère un solide bon sens. Gabriel, lui, rechignait tout le temps. Blanche a compris tout de suite qu'ils étaient morts. Et de ce jour, elle devint l'ombre de sa grand-mère, la vigoureuse Émilienne. Gabriel, lui, y compris bien plus tard. Louis travaillait au paradis depuis la mort de Marianne. Émilienne l'a engagé un soir. Et je vais vous dire pourquoi elle l'a engagé. Un soir, alors qu'Émilienne couchait les enfants, il tapota contre la fenêtre de la salle à manger. Nuit noire, Émilienne le fit entrer. Avant qu'elle ait pu lui demander ce qu'il fabriquait, à une heure pareille, Louis bascula en avant. Son nez était cassé et sa bouche fendue. « Je ne sais pas où aller. » Émilienne ne dit rien. Elle lui remit violemment le nez en place, soigna ses lèvres et retira les vêtements du jeune homme, dont les jambes, le dos et le ventre étaient marqués de taches violacées, virant au jaune paille. « Tu vas dormir dans la chambre des parents, » souffla Émilienne. « Vous êtes sûr ? Tu as une meilleure idée ?» Louis désigna la grange en haussant le menton. « Pour cette nuit, je veux aller dans le foin. » « Non, soit tu es très fatiguée, soit tu es très bête, » conclut Émilienne. Alors, elle va garder ce garçon qui était battu, rebattu, tout le temps battu. Et il va apprendre la ferme. Bien sûr, au début, il ne sait rien. Il va apprendre, apprendre, apprendre. Et puis un jour, elle va lui dire, « Mais tu vois, tu as tout compris. Maintenant, tu fais partie de cette maison. » À force de regarder Émilienne travailler, eh bien, il a tout su faire. Parce qu'elle ne lui a rien dit. Il a tout appris tout seul. Et donc, Louis, il est comme Blanche. Il n'y a qu'une obsession, c'est cette terre du paradis. Donc, il travaille. Émilienne, elle avait bien compris. Et un jour, quand elle l'a vu vraiment travailler tout seul et qu'elle lui a dit « Tu fais partie de cette maison », elle était fière d'elle, Émilienne. Et plus fière que tout, parce qu'elle avait bien compris que ces enfants-là, Blanche et Louis, allaient faire quelque chose du paradis. Le temps passait, les enfants grandissaient. Et Louis voyait bien que Blanche devenait une belle jeune fille. Mais elle savait que c'était ni son frère, ni un employé de la ferme. Et pourtant, Émilienne se disait, oh, quel beau couple ça ferait. Ils ont l'un et l'autre de la passion pour ce domaine, pour ce paradis. Et Blanche, elle va tomber éperdument amoureuse d'Alexandre, qui était au lycée avec elle. Et elle va se donner à lui la première fois, je vous le donne en mille, pendant que tout le monde saignait le cochon dans la cour de la ferme. Elle lui avait dit, je serai à toi, mais je choisirai le jour. Et elle a choisi ce jour-là. Voilà. Alexandre, lui, il n'a pas cet amour de la terre. Lui, il a de l'ambition. Lui, il veut gagner de l'argent. Malgré ses bons résultats scolaires, Blanche savait qu'elle ne partirait pas. Elle était comme Louis. Elle avait cet attachement charnel, viscéral à la terre du paradis. Alexandre, lui, il va partir faire une classe de commerce. Il laisse Blanche. Cela ne se passe pas bien. Vous allez entendre la violence de Blanche. Vous allez tout de suite comprendre. Blanche, ce n'est rien, calme-toi. Non, ce n'est pas rien. Alexandre regardait Blanche. On lui dit qu'il la découvrait pour la première fois. Il tenta d'approcher, mais Émilienne le tint à distance. Penaud, il murmura. Blanche, ce n'est que 3 ans. Je vais revenir le week-end et toi, tu pourras venir me voir la semaine. Alors Blanche explosa en un cri affreux. Soudain, la rage s'emparait de la maison entière. Les hôtes pétrifiés assistaient à sa métamorphose. La fureur démultipliait les forces de ce jeune corps, si frêle, si incapable de violence. Sa grand-mère la retint de tout son torse pour qu'elle ne se jette pas sur lui. Terrifié, Gabriel, c'est son frère, restait prostré sur sa chaise. Et Louis, debout, menaçait Alexandre, enhardi de tout son amour pour Blanche. « Je ne peux pas partir et toi, tu ne reviendras pas. Tu détestes cet endroit, tu détestes tes parents, tu détestes tout ici. » Gabriel voulut rejoindre sa sœur, dire qu'il comprenait lui aussi, qu'il avait hurlé, pleuré. À ce moment précis, il aurait été le seul à pouvoir calmer Blanche, mais il ne bougea pas. Retenu malgré lui, résigné, il attendit que les pleurs de sa sœur noient sa voix. Ce timbre grave s'élevait, foule d'oiseaux délirants, et sous les tremblements que cette rage provoquait, Alexandre, ahuri, fixait la sorcière de 17 ans. Blanche hoqueta un long moment, coincée entre le corps lourd d'Émilienne et le mur de pierre dont la fraîcheur rivalisait avec la chaleur atroce qui dévorait ses joues, son crâne, ses mains. Louis avança d'un pas vers Alexandre. « Va-t'en » souffla-t-il d'une voix basse. Et il va partir. Vous avez vu la violence de cette fille? Bien sûr, elle va être désespérée, elle va dépérir, puis elle va réagir. Elle va s'occuper de la ferme très très très très bien. Et vaille que vaille, son frère, petit à petit, va réagir. Lui, il va travailler, mais pas à la ferme. Il n'est pas fait pour ça. Du reste, Émilienne, sa grand-mère, ne lui demande pas. Puis, il va voir une copine. Ça va déjà. Louis, ça lui fait beaucoup plaisir de voir que Gabrielle a trouvé une copine. Alexandre va revenir. Elle va retomber dans ses bras. Il va la tromper encore. Encore. Et encore. Et surtout, il va faire quelque chose d'épouvantable. Par rapport à la terre du paradis, elle va se venger terriblement, très très terriblement. Sa terre, elle va la garder. Voilà. Eh bien, écoute, cette bête au paradis m'a l'air une nature bien sauvage. C'est bien, c'est vraiment bien. Les sentiments sont forts. Et surtout Blanche, elle est. Alors que c'est une physiquement, c'est une petite gamine jolie et tout, et alors. Oh! Quand on touche à la terre, c'est terrible l'amour de la terre. Une bête au paradis de Cécile Coulon, proposée avec enthousiasme et fougue par Eliane. Tant qu'il y aura toujours quelque chose pour me rappeler que je suis fou. Je saurai que je suis vivant. Si je suis dans le champ, selon les moutons blancs, tant qu'il y aura toujours quelque chose pour me rappeler que la vie est courte, que je pourrais mourir demain et que je n'ai pas le amour. Je continuerai à croire au fond que nous sommes des papillons qui volent pour une raison. Pendant la moisson des prix littéraires, Martine va nous donner sa vision de la rentrée littéraire de cette année et le choix qu'elle a fait de livres à nous présenter. Alors, la rentrée littéraire, cette année, c'est 524 romans parus contre 567 l'an passé. Alors, les libraires plébiscitent le Cécile Coulon, Une bête au paradis que tu viens de présenter, Eliane, et également le Jonathan Coe, Le cœur de l'Angleterre, dont on parle beaucoup, et qui est un roman sur fond d'histoire politique des années 2010 au Brexit. Donc ça doit être vraiment un roman passionnant à lire, Le cœur de l'Angleterre. Et le troisième meilleur des ventes, c'est Le Chalandon, une joie féroce que tu as déjà présenté. J'ai présenté Irène. Il n'y a pas longtemps. Voilà. Mais il y a, évidemment, on parle de nombreux autres romans en bien. Alors j'en ai choisi quelques-uns, hein. Ça aurait pu être une autre sélection, mais bon, j'ai choisi celle-ci. Alors on a par exemple Jean-Baptiste Andrea, 100 millions d'années et un jour. C'est un roman qui se passe entre la France et l'Italie en 1954. Une équipe de scientifiques, dont un paléontologue, se lance le défi de trouver, de retrouver le squelette d'un supposé dinosaure pris dans la glace. Donc ça, c'est 100 millions d'années et un jour. Un deuxième roman, c'est Santiago Amigorena. Donc Amigorena, c'est le nom de l'auteur. Ça s'appelle Le ghetto intérieur. C'est un roman sur l'exil de personnes qui ont fui l'Europe pour échapper au nazisme. Il est dans de nombreuses sélections de prix littéraires. Le Natacha Apana, Le ciel par-dessus le toit. Ça parle de l'histoire d'un ado et de sa famille qui essaie de lui venir en aide. Ensuite, évidemment, il y a le poids lourd, il y a le Nothon, le Amélie Nothon. Je l'ai présenté. Soif, tu l'as présenté, donc je ne vais pas en dire plus. Hein, c'est sur Jésus-Christ, avant le supplice et pendant le supplice, etc. Ouais. On parle aussi beaucoup du D'Alembert, Louis-Philippe D'Alembert, Mur Méditerranée. Donc c'est sur le sauvetage de clandestins et il s'est inspiré de ce qui est arrivé au pétrolier danois Tom Lott en 2014. Donc Mur Méditerranée. On parle du Peter Fromm, La vie en chantier. Alors, ça parle de l'histoire d'un homme qui va se retrouver seul avec son bébé, une petite fille, après le décès de la maman en couche. Donc c'est une vie nouvelle qui va commencer pour ce papa et ce bébé, où le désespoir n'est pas permis. Ça doit être bien, La vie en chantier. Ensuite, le Jeanne Benhamer, Ceux qui partent. C'est à nouveau sur l'exil en Amérique au début du XXe. Ensuite, il y a le Edna O'Brien, Girl. C'est l'histoire d'une ado enlevée par Boko Haram. Ça doit être un roman très très fort. Ah oui, j'en ai entendu parler. Elle écrit très très bien, Edna O'Brien. Voilà. Après, il y a aussi deux premiers romans étrangers que j'ai choisis comme ça. Il y a le Andrew Ritker, ça s'appelle Les Altruistes. Ritker, c'est un Américain. Et ça raconte les aventures rocambolesques d'une famille, Les Altruistes. C'est un premier roman. Et le deuxième, c'est un Italien, Mirko Sabatino. Ça s'appelle L'été meurt jeune. Et en fait, c'est l'histoire d'amis de 12 ans qui sont harcelés par une bande et qui décident de se venger. Voilà les romans que j'ai choisis pour la rentrée littéraire. Après, bon, évidemment, j'ai eu quelques coups de cœur. Mon grand, grand coup de cœur, c'est de Pierre et d'Os, de Bérangère Cournu. L'auteur avait déjà écrit Né contente à Oreby, qui parlait de la culture amérindienne des Hopis. Et en fait, de Pierre et d'Os, ça parle du peuple inuit. Et cela raconte l'histoire d'Uxuralik, une jeune inuite qui va se trouver brutalement séparée de sa famille une nuit alors qu'elle est sortie de l'igloo et que la banquise se fend. Et d'un seul coup, elle est séparée de sa famille. Son père a juste le temps de lui tendre une peau de bête. Et voilà, et ils sont séparés. Et donc la jeune fille, c'est toute jeune adolescente, elle devra se débrouiller toute seule, lutter contre le froid, trouver à manger, partir à la recherche d'autres êtres vivants pour survivre. Et donc c'est un univers où les animaux sont très présents, les phoques, les ours, les poissons, les esprits sont présents également. Les esprits ont une grande importance, les hommes recherchent la présence des esprits. Et se tournent vers eux quand il y a une situation difficile à vivre. On se tourne vers les esprits pour leur demander quelle conduite adopter. Et il y a aussi des chamans, et les chamans jouent un grand rôle et sont respectés. Et donc la jeune Uxuralik, elle va apprendre de tous ces gens qu'elle va rencontrer, et elle va devenir femme dans ces circonstances, des circonstances très difficiles. Donc c'est un très beau roman d'apprentissage, il y a beaucoup de sagesse, et c'est surtout un roman qui nous permet de découvrir un peuple et sa culture. Ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, je ne connaissais pas trop le peuple inuit, et vraiment, on apprend énormément. Elle s'était beaucoup documentée, évidemment, Bérangère Cournu. Hein. Elle a écrit son roman lors d'une résidence au Muséum national d'histoire naturelle. Il est devenu le coup de cœur de nombreux libraires. Et il a obtenu le prix du roman FNAC 2019. Voilà. Et c'est un roman qui est entrecoupé de chants, parce que les Inuits chantent beaucoup, et leurs chants racontent l'histoire d'une personne en général. Donc le roman est entrecoupé de chants, et il y a un cahier de photographies à la fin. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau roman. Et je trouve que la couverture est très belle, les couleurs sont très belles. Voilà, mon deuxième coup de cœur, c'est Cora dans la spirale de Vincent Message. Alors, rien à voir, Cora dans la spirale. On est à Paris, on est dans le quartier de la Défense. On est avec Cora Salm, qui est une jeune femme qui vient d'avoir une petite fille. Elle a eu son congé de maternité, hein, sans le rallonger. Et donc, elle a décidé de reprendre son travail chez Borrelia, qui est une compagnie d'assurance. Sauf que la compagnie d'assurance, elle vient d'être rachetée. Et en fait, ce qui se passe, elle est dans le marketing. Hein, son poste, c'est dans le marketing. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2010, la crise frappe. Et la crise, elle rattrape l'entreprise. Et on parle beaucoup de restructuration et d'optimisation. En fait, tout le monde que semblait connaître Cora, se détraque, change, est bouleversé, et cette jeune femme va vivre quelque chose de très très difficile à la Défense dans son travail, qu'elle croyait retrouver, en fait plus rien n'est comme avant. Donc voilà, Cora dans la spirale, Cora qui court dans le métro, qui arrive à son travail, qui va trouver plein de changements. Évidemment, c'est le portrait d'une femme, hein, une femme actuelle qui travaille, qui essaie de tout concilier, vie personnelle, vie professionnelle, et pour qui tout se complique à ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment un roman très, très contemporain, très actuel. On voit beaucoup de livres sur le monde du travail. Oui. Et sur les difficultés, les conditions de travail que l'on impose, la souffrance que ça peut provoquer. Il y a en effet pas mal d'auteurs qui se sont intéressés à la question. Voilà. Et Cora, elle veut rester une femme libre, elle veut se sentir libre. Et voilà, c'est compliqué parce qu'il y a plein de bouleversements et elle ne maîtrise pas grand-chose en fait dans cette entreprise. Et voilà, c'est un roman sur le monde du travail qui est bien difficile parfois. Et alors, il y a un troisième roman que tu aimais beaucoup et qui, étrangement, avait été également sélectionné par Olivia de la bibliothèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Oui, et donc pourquoi tu... En fait, c'est le coup de cœur de Patricia au club de lecture. Elle a présenté Le bal des folles, et c'est vrai que c'est un roman qui nous a plu, hein, là, au club de lecture. Bon, après, si je peux en dire deux mots, j'en dis deux mots. Voilà, c'est un roman fort qui dénonce les dérives d'une société patriarcale, hein, puisqu'à l'époque, ça se passe en 1885, à l'hôpital de la Salpêtrière, on internait des femmes pour de mauvaises raisons, puisqu'il y avait des femmes qui simplement ne cadraient pas avec l'époque, qui voulaient s'affranchir de l'autorité masculine, qui gênait, qui était trop émotive, ou je crois qu'il y a une jeune fille aussi qui est rejetée par sa famille parce qu'elle communiquait avec les défunts. Donc toutes ces jeunes filles, jeunes femmes, on pouvait les enfermer parce que ça convenait pas avec la pensée de l'époque, la moralité de l'époque, et du coup voilà. Donc Le bal des folles, en fait, ça raconte cette histoire-là d'un bal qui était organisé chaque année à l'hôpital de la Salpêtrière avec les internés, et c'était couru du tout Paris. Voilà, et on pouvait, les personnages, mais il y a par exemple Louise, qui est une jeune fille qui a été violée par son oncle, il y a Thérèse, qui est une ancienne prostituée, il y a Eugénie, donc la jeune fille qui communiquait avec les défunts, il y a Geneviève qui est infirmière. Donc tout le monde attend ce grand événement qui est le bal, voilà,

Moi, ce matin, j'ai rencontré une personne qui ne brandissait pas ce gadget ridicule. Alors, je l'ai prise en photo avec mon téléphone portable. Et j'ai fait suivre à tous mes contacts. Ça nous a bien fait rire. Oui, c'est une maladie contagieuse, terrible. Hein. Et toute la planète, sans avoir été affectée par le virus. Et c'est pareil à l'aéroport JFK de New York. Le virus sévit. Jonathan l'Empereur vient de récupérer son fils auprès de son ex-épouse pour les vacances de Noël. Il attend de reprendre son avion pour Los Angeles. Tous les deux s'en vont en quête d'une collation. Madeleine Green est en voyage avec son compagnon. Ils attendent leur avion pour Paris. Le compagnon qui vient de la demander en mariage est parti régler un problème de titre de transport. Madeleine en profite pour se mettre en quête d'une collation. Madeleine et Jonathan, à la cafétéria, ont pris leur plateau en quête d'une table libre. Ils la voient en même temps, se précipitent et se heurtent violemment. Tout vole, plateau, café, grignotage, téléphone portable, bien entendu, à proximité de la main. Après quelques insultes entre gens civilisés, ils ramassent leurs affaires et se séparent, courroucés l'un comme l'autre. Les appels dont ils prennent connaissance, l'une à Paris, l'autre à Los Angeles, sont étranges. Ils comprennent vite qu'ils ont échangé leur téléphone dans la bagarre. Même modèle, même couleur. Il ne leur sera bien entendu pas difficile d'appeler l'importun qui s'est trompé de petit parallélépipède rectangle extra plat à fonction multiple. Alors, page 27, voyons voir. J'ai votre téléphone. Vous avez le mien, Jonathan l'Empereur. Oui, où êtes-vous, Madeleine Green? À San Francisco, et vous? À Paris, comment fait-on? Bah, la poste, ça existe en France, non? Je vous renvoie le vôtre dès demain par FedEx. Trop aimable, je fais de même dès que possible. Quelle est votre adresse? Restaurant French Touch, 1606 Stockholm Street, San Francisco. Voici la mienne, le jardin extraordinaire, 3 bis rue de l'Ambre à Paris. Vous êtes fleuriste, n'est-ce pas? Si oui, vous avez une commande urgente d'un certain Oleg Mordorov, 200 roses rouges à livrer au théâtre du Châtelet pour l'actrice qui se déshabille dans le troisième acte. Entre nous, je doute que ça soit sa femme. De quel droit avez-vous écouté mon répondeur? Mais pour vous rendre service, en espèce d'andouille. Je vois que vous êtes aussi russe dans vos messages que dans vos paroles. Alors vous êtes restaurateur? Oui, dans ce cas, votre boui-boui compte une nouvelle réservation. Très bien, bonne nuit. À Paris, il est 7 heures du matin. Donc Madeleine est fleuriste à Paris, une vraie fleuriste, hein, qui va choisir ses fleurs à Rungis. Son magasin s'appelle le Jardin Extraordinaire, on le sait maintenant. Jonathan est restaurateur à la French Touch. Son restaurant est bien modeste, pourtant le français a pas un passé de grand chef. Il a fait grande fortune aux États-Unis, puis a tout perdu, y compris Francesca, qui l'a quitté dans la tourmente. Pourtant, Francesca laisse un message sur le téléphone de Jonathan. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Voyons voir ça. Jonathan, c'est moi, c'est Francesca, rappelle-moi, s'il te plaît. Il faut qu'on se parle. Je sais que je t'ai trahi. Je sais que tu ne comprends pas pourquoi j'ai tout gâché. Reviens, s'il te plaît, fais-le pour Charlie, leur fils. Fais-le pour nous, je t'aime. Tu n'oublieras pas, mais tu me pardonneras. Nous n'avons qu'une vie, Jonathan, etc., etc. Mais bien sûr, c'est Madeleine qui a pris ça. Elle se demande bien quoi faire, Madeleine, de ce message. D'ailleurs, elle n'en fait rien. Jonathan lui a fouillé dans le téléphone de Madeleine, lui aussi, bien sûr, la curiosité plus forte que la décence. Ces petits appareils détiennent toute notre vie, des contacts, des répertoires, des numéros, certains que l'on masque. Plus ou moins bien, un code de carte bleue que l'on transforme en numéro de téléphone, des photos, des applications. Il y en a une pour chaque chose dont chaque chose révèle, chacune des applications révèle chaque chose. Nous avons désormais tous Big Brother dans notre poche. Jonathan se débrouille pas mal en informatique. Il a tôt fait de remarquer que les 9 dixièmes de la mémoire du téléphone de Madeleine sont occupés par un énorme fichier, lequel est protégé par un mot de passe. Madeleine est angoissée, son téléphone est une bombe. Ce ne sont pas les quelques photos érotiques sur lesquelles elle pose qui la préoccupent, mais si ce foutu mec tombe sur les informations qu'elle possède, Le foutu mec et ses nombres de codes, mais autant vouloir gagner au loto. Internet est un outil extraordinaire qui permet de tout savoir sur ceux dont on ignorait la veille jusqu'à l'existence. Jonathan et Madeleine explorèrent chacun de leur côté la vie de leur emprunteur de téléphone. Cela conduisit à quelques échanges. Cher Jonathan, épargnons-nous d'emblée les monsieur l'empereur et mademoiselle Green. Après tout, j'imagine que si vous avez le toupet de lire mon courrier, vous avez dû également jeter un coup d'œil à mes photos et vous rincer l'œil avec les deux ou trois clichés artistiques de mon album. Vous êtes donc un pervers et c'est votre problème. Cher Jonathan, je profite donc de ma pause déjeuner pour vous écrire tout en dégustant un sandwich aux rillettes du Mans, confectionné avec soin par Pierre et Paul, membre éminent de la confrérie des chevaliers des rillettes sartoises et artisan boulanger dont la boutique fait face à la mienne. Des miettes de pain partout sur mon pull et des taches de gras souillent l'écran de votre beau téléphone. Pas très glamour, je vous l'accorde, mais tellement délicieux. Enfin, ce n'est pas vous que je vais convaincre de la nécessité de savoir apprécier les plaisirs de la bonne chair. Cher Jonathan, donc je vous laisse ce petit message pour vous annoncer deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Commençons par la mauvaise. Comme vous le savez peut-être, en ce début de vacances scolaires, une grève paralyse ce magnifique pays qu'est la France. Aéroport, autoroute, poste. Vous vous fichez de moi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grève? Madeleine répond. Encore debout à 7 heures, Jonathan, vous ne dormez pas? Jamais? Ce manque de sommeil serait-il pas responsable du mélange d'irritabilité et de mauvaise humeur qui semble vous caractériser? Au fait, vous m'aviez promis une bonne nouvelle pour compenser la mauvaise. C'est exact, voici la bonne nouvelle. Malgré le froid et les grèves, il fait très beau à Paris. Cher Jonathan, il est 13 heures, ma pause déjeuner arrive, etc., etc. J'ai 3 questions à vous poser, Jonathan. Pourquoi le prétendu meilleur chef du monde sert-il aujourd'hui des steaks frites dans un simple bistrot de quartier? Pourquoi êtes-vous encore debout à 4 heures du matin? Et ma 3e question, aimez-vous encore votre ex-femme? Elle est bien indiscrète. Les conséquences de cet échange de téléphone iront bien au-delà de ce qui arriverait probablement si vous et moi échangions malencontreusement nos smartphones. La vie a beau être un roman, les romans osent aller beaucoup plus loin, très loin même. Des quiproquos de vaudeville dans une ambiance de thriller. Ah, vraiment, ça donne envie, ouais, de vrai. Lire L'appel de l'ange. Alors cet appel-là, faut pas le rater, de Guillaume Musso, présenté par Jean-Pierre. Cette avalanche de livres à lire, je ne sais pas comment on va s'en sortir là. Il faut prendre une semaine ou deux de vacances pour avoir le temps de tout lire. Notre pile à lire déborde. Mais bon, que ça ne nous empêche pas de sortir, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à faire. Alors, pour les amoureux de l'aérotrain, Il y aura vendredi à 18h à la médiathèque Anna Marly à Saint-Jean-de-la-Ruelle un documentaire qui va être projeté sur le sujet. D'ailleurs, il y a un excellent livre qui est sorti. Une vie en l'air. Une vie en l'air, oui. Ouais. Ah, qui était très intéressant. Très intéressant. Ce même vendredi 11, une fois que vous aurez vu ce documentaire, précipitez-vous à la passerelle pour y aller. 3, 4. Précipitez. Précipitez-vous à la passerelle pour rencontrer Alex Ramirez, l'homme sensiblement viril, qui vous racontera toute sa vie. Et puis, une dernière suggestion de sortie. Au château de l'Étang, à Saran, se déroule actuellement une exposition de Jean Bailly. Donc cette exposition, vous pouvez la voir jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'au 27. Et c'est magique. D'ailleurs, c'est du réalisme magique. Vous y verrez des tas de personnages étranges. Et si vous allez voir cette exposition le samedi ou le dimanche, c'est entre 14h et 17h, voire 17h30 le dimanche, eh bien vous pourrez rencontrer l'artiste et discuter avec lui. C'est vraiment d'une grande fraîcheur, c'est magnifique, ces toiles de Jean Bailly. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous allons donc vous souhaiter une excellente semaine, de très bonnes lectures. Là, franchement, vous avez le choix, hein. Et donc, je vous propose de passer le relais à Violette pour traditionnel. Eh oui, j'ai oublié les musiques. Ah ben, décidément, je suis perturbée. Ça, c'est le sensiblement viril qui t'a perturbée. Non, j'ai reçu un appel de l'ange. Jean-Pierre, pardonne-moi. Et en plus, j'étais très curieuse de savoir qui chantait les oublis. Le petit Gauvincer. C'est vraiment une belle chanson. Ouais. Le petit Creusois. Oui, oui. Tiens, d'ailleurs, on salue à l'occasion. On a des auditrices là-bas, du côté d'entre Guéret et Aubusson. Alors, on les salue. C'est Gauvin qui chantait. Gauvin. Oui. Gauvincer, voilà. Et puis alors on a eu un petit Québécois, Pierre-André Goulet, et puis on a eu Vito Mareille aussi, et puis le jazz, eh bien on l'avait confié à Alfredo Rodriguez et Pedrito Martinez qui reprenaient le fameux morceau Thriller. Oh. Merci Jean-Pierre, donc on passe le relais à Violette pour traditionnel. Bye bye. We'll be right back.